La météo. WIB.EU. La première. Il est 16h. Votre journal, Nicolas Lehmann, bonjour. Bonjour à tous. Brussels Airlines va-t-elle devenir la propriété à 100% de Lufthansa? Le conseil de surveillance de la compagnie allemande a en tout cas avalisé le principe cet après-midi. Le conseil a décidé d'activer l'option d'achat pour les 55% du capital qu'il ne contrôle pas encore. Maxime Binet, même si ce n'est pas encore fait, c'est clairement un pas de plus vers le rachat de Brussels Airlines dans les prochains mois. Oui, la décision était attendue et ce n'est pas une surprise. Cette décision de rachat a été plusieurs fois reportée cette année, notamment en raison des attentats du 22 mars. Cette décision ouvre la voie à la reprise totale de Brussels Airlines par Lufthansa, mais elle s'accompagne d'une négociation avec les actionnaires de la compagnie. Probablement des négociations jusqu'à la fin de cette année. On sait que la Lufthansa propose 2,5 millions d'euros pour acheter les 55% du capital qui lui manque. Elle est actionnaire de Brussels Airlines à hauteur de 45% actuellement. Et 2,5 millions d'euros, c'est beaucoup trop peu pour les autres actionnaires de la compagnie belge. Le but des négociations est de trouver un juste équilibre pour éviter des recours juridiques ultérieurs. En tout cas, ce rachat annoncé de Brussels Airlines pose aussi d'autres questions, notamment par rapport à l'activité économique et en termes d'emploi à l'aéroport de Zaventem. Et comme l'explique Serge Villain, le patron de la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles, un petit actionnaire de Brussels Airlines. C'est le maintien des activités de la compagnie aérienne à l'aéroport de Bruxelles National, parce que ça se trouve dans l'interland de l'activité économique de la région bruxelloise, et c'est ça qui est la priorité. La priorité est que cette compagnie continue à avoir ses activités dans l'interland de Bruxelles. Des questions demeurent donc. La compagnie va-t-elle changer de nom? Va-t-elle rester à Zaventem? Des questions qui restent sans réponse pour l'heure. Qui a abattu le Boeing de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en juillet 2014? Les procureurs internationaux ont remis leur première conclusion cet après-midi. Le missile a bien été tiré d'une zone séparatiste pro-russe et d'ailleurs livré depuis la Russie. Le système de tir a même été rapatrié ensuite en Russie. Alors les soldats rebelles ont-ils obéi à un ordre ou agi de leur propre initiative? Pas de réponse. Les procureurs ne se prononcent pas non plus sur une implication directe de Moscou. Les 300 passagers avaient tous péri alors qu'ils faisaient route entre Amsterdam et Kuala Lumpur. À Charleroi, le premier jour d'un procès pour participation à une activité terroriste. Ce matin, les 5 prévenus présents ont contesté ce qui leur était reproché. Maxime Paquet, vous avez suivi ces premiers débats pour nous. Maxime, dans son réquisitoire, la procureure générale a tenté de démontrer l'existence à Charleroi d'un noyau de recruteurs de candidats au djihad. Et pour ça, la procureure générale a tenté ce matin de démontrer le rôle central de deux des prévenus en particulier, un ancien champion de boxe thaï de la région de Charleroi et un de ses anciens élèves du club de boxe. Dans son réquisitoire, elle s'est appuyée sur des témoignages de plusieurs jeunes qui attestent de techniques d'approche et du fait qu'on leur a envoyé des vidéos de propagande de l'organisation terroriste État islamique. Ces deux prévenus ont pour la procureure générale un rôle central, ils auraient endossé le rôle de véritables recruteurs. Elle a d'ailleurs demandé une requalification de la prévention à leur encontre. Pas une simple participation, mais bien une participation en qualité de dirigeant aux activités d'une organisation terroriste. 9 et 11 ans d'emprisonnement, voilà ce qu'elle a requis comme peine en ce qui concerne ces deux prévenus-là. Pour les 4 autres, sans doute impliqués à des degrés divers, parfois plus minimes, les peines requises vont de 2 à 5 ans de prison. La suite des débats, ce sera la semaine prochaine, le 5 octobre, avec les plaidoiries. Maxime Paquet, des transports en commun perturbés, des administrations qui tournent au ralenti et une grande manifestation dans les rues de Bruxelles. Ce n'est pas un joyeux anniversaire. Les syndicats fêteront demain à leur manière les 2 ans du gouvernement Michel. En front commun, les syndicats appellent le fédéral à ne pas toucher à la sécurité sociale dans le cadre des discussions sur le budget 2017. Belle fin d'après-midi avec nous. Toute l'info est sur rtbf.be. Vous écoutez La Première, Walid et toute son équipe sont là pour vous accompagner. Effectivement, nous sommes presque sérieux. Merci Nicolas, retour de l'information avec vous tout à l'heure à 16h30. Vous l'avez compris, nous sommes presque sérieux en ce mercredi. Soyez les bienvenus. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Einstein a dit que la folie, c'est de refaire tous les jours la même action et d'attendre un résultat différent. Je connais quelqu'un qui rentre tous les jours chez lui auprès de sa femme et qui, tous les jours, sincèrement, espère passer une excellente soirée. Jamais je ne critiquerai les femmes, jamais nous ne critiquerons les femmes, jamais je ne critique pas. Je constate. Déjà, qui irait cacher des Pokémon à Jurbiz? On se rappelle que déjà en 2012, il avait cette tendance à en faire des montagnes. Montagnes qui accouchent d'une souris, ou plutôt d'un éléphant du PS qui, même si c'est vache, n'a pas fait un effet bœuf. Sauf peut-être Ariana, sa nouvelle amie avec qui il tweete. Les grands de ce monde se parlent, c'est une bonne nouvelle. Il a raison d'en profiter, un foutu pour foutu, autant se marrer. Comme on dit à gauche, on n'est plus à El Khomri près. Nicolas Sarkozy dans la bouche et dans le texte. René Tonneau, on s'en souvient. Le précurseur, celui qui a ouvert la voie. Il y a beaucoup de comptables ont son portrait comme ça affiché en fond d'écran. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous faites comme métier, comptable wallon? Non, ça ne vous intéresse pas. Bonjour et bienvenue chez les Républicains. Si vous souhaitez faire un don... Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Non, je suis madame. Ah, autant pour moi, madame. Je vous appelle pour faire un don, par exemple. Je peux donner quelque chose? Vous pouvez faire un don. Oui, moi j'ai deux reins. Je peux en donner un. C'est possible? C'est possible, attendez. Est-ce que déjà vous êtes adhérent? Je suis prêt à donner un rein et mon cerveau pour la France. Ah. D'accord, enfin, je ne sais pas est-ce qu'il a besoin ou pas, mais peut-être il a besoin de l'argent, par contre. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête, restez presque sérieux. Avec Walid. Et en cette journée mondiale contre la rage, eh bien, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Eh oui, tous ceux qui sont mordus de Nicolas Sarkozy ne sont pas vaccinés, malheureusement. Ouais, si, en tout cas, eux, ils vont vous transmettre une irrésistible envie de montrer les dents. Rassurez-vous, c'est pas de la rage, c'est de l'humour. Voici vos chroniqueurs du jour. Les gens qui l'interviewent font souvent plus que leur rage. C'est David Watley qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Un jour, il a été mordu par un chien enragé. La pauvre bête a vu son état empirer instantanément. C'est Pierre Chorette qui est avec nous. Bonjour. Ça va bien. Bonjour Walid. Il va bien, Pierre, il va bien. Tiens, il est du genre discret, lui. Hein. Sa rage de dent se voit très peu dehors. C'est le rabbi que Jean-Jacques Cobb, j'espère. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Il est avec nous, Jean-Jacques, j'espère. Ça nous fait plaisir. Bonjour. Vaccin Gétorix, qui serait l'ancêtre du français Louis Pasteur. C'est bien le genre de choses qu'il pourrait inventer. C'est Vincent Flibustier. Bonjour. C'est vous qui inventez ça, Walid, quand vous refaites l'histoire. Vaccin Gétorix, vous imaginez? C'est le Louis Pasteur des Gaulois. C'est dingue. On dirait un personnage d'Astérix. Ouais, Vaccin Gétorix. C'était le médecin, en fait, dans Astérix. Tiens, il y a longtemps que lui a fondé un petit groupe qui se produisait aux messes de la RTBF. Rage Against the Machine à Café. Raoul Reyers, bonjour. Non, Rage Against the Merlan Tyrolien. Oui, par exemple. Il est avec nous, Raoul. Et puis, elle a préparé cette émission, notre assistante, qui n'épargne pas sa salive. C'est Hajar Boulesh. Oui, on est toujours au niveau de la rage, donc c'est pour ça. Et puis, tiens, justement... Avec toute mon équipe, je m'y enrage. C'est Roxane Brunet qui a réalisé cette émission pour vous, vous l'avez compris. L'actualité, ce sont eux qui la font et c'est avec vous que nous en rions. Merci donc à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour sur la première, presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Une heure et demie, une fois de plus, où nous allons bien mettre un regard impertinent, nous allons mettre notre loupe pour grossir le trait de l'actualité, pour nous en moquer, pour en rire, pour réfléchir également, car on ne le répétera jamais assez. Rire, ça fait réfléchir, et réfléchir, ça fait grandir. Nous sommes presque sérieux, c'est notre état d'esprit durant cette heure et demie. On s'intéressera à l'élection présidentielle qui passionne les enfants aux États-Unis. On parlera également du journal des bonnes nouvelles, on l'attend avec impatience, c'est signé Jean-Jacques Jespers. On parlera également de la FIFA et de racisme dans le football. Pas mal deux choses également dans cette émission. Ah oui, ce sera avec Pierre Charette. Tant vous dire qu'on va avoir la FIFA sur le dos juste après. À quel moment il parlera de sexe? C'est moi qui vous le dis. Cette réputation. On vous invite également à retitrer une information que vous allez retitrer vous aussi ici autour de la table. C'est sur la page Facebook. N'hésitez pas à y aller. Information qui concerne Théo Francon et cette fameuse vidéo qu'il a publiée puis qu'il a effacée. On vous invitera justement à commenter cette information, à la retitrer. Et puis, je vous le dis comme ça, j'ai appelé le secrétariat général de Théo Francken. Parce que je me suis dit, et si c'était moi qui étais sur la photo, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, réponse après 17h. Il a porté plainte. Hein, Je sais qu'il a porté plainte. Et je me posais déjà la question hier. Je me disais, mais pourquoi il ne s'est pas réveillé plus tôt? Donc voilà. Parce qu'il est... Non, donc ce sera à découvrir en France, après 17h. On vous offre des cadeaux donc, sur la page Facebook, notamment. Et puis on vous offre tout de suite l'exemplaire de l'album Belgium, etc. Vous voulez connaître l'histoire de la Belgique. Vu et corrigé par Gilles Dalle, historien, humoriste, écrivain, accompagné de 22 caricaturistes belges célèbres, de Kroll à Dubus en passant par Johan de Mor, Cécile Bertrand, Nicolas Vado, du beau monde, toute l'histoire de notre royaume, de notre plat pays, revu et corrigé de presque 200 ans. Il a été de 1830 à 2030, c'est-à-dire qu'il est même, au-delà de l'histoire, il prédit l'avenir de notre royaume. Oui, et tout ça, en plus, c'est plein de dessins. Ah, c'est magnifique. Tout le monde comprend. C'est magnifique, et d'ailleurs, il y a une exposition gratuite à voir au musée Bellevue jusqu'au 6 novembre concernant l'album Belgium, etc. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant donc ces trois lettres, CPS au 60 31 75 centimes le message, nom, prénom et adresse, CPS, pour repartir avec ce magnifique cadeau. Et la phrase du jour, la voici. Qui aurait pu dire « Je suis la banque ». Ah ah, je suis la banque. Beaucoup, beaucoup pourraient le dire. Mais qui? Des propositions dans un instant. Et qui sait, un cadeau pour l'un ou l'une d'entre vous. En attendant, entrons dans le vif du sujet avec la une du jour. Une du jour en musique. Écoutez attentivement les deux extraits que voici. Tentez de les rattacher à une actualité. Dans les pharmacies. On vend du nougat et du chocolat, des bonbons au citron, des stylos. C'est génial. Ah, je m'entraîne, en plus de Nicolas Sarkozy, je m'entraîne à faire Patrick Sébastien. C'est bien, c'est frais. Je tiens bien. C'est génial. Patrick Sébastien, on a gagné ce soir, et Charles Trenet avec Dans les pharmacies. C'est avec Charles Trenet que nous entamons cette émission. De quoi s'agit-il? De la réduction du remboursement des médicaments. On ne peut rien lui cacher. Cet homme est un puissant fond de savoir et de journalisme. Il tue le game. À un moment donné, jouer avec Jean-Jacques Zesper, c'est perdre. Le gouvernement fédéral, effectivement, envisagerait. C'est comme si c'était fait. Voilà, il faut quand même trouver de l'argent quelque part, donc c'est là que ça va faire mal. Donc le gouvernement fédéral envisagerait donc de moduler l'ampleur du remboursement de certains médicaments afin de remettre le budget à flot. C'est ce qui ressort d'une note envoyée aux différents cabinets ministériels que la Libre Belgique, nous avons épluché ce matin, a pu consulter. La hausse de la TVA et du précompte mobilier figure également parmi les pistes envisagées. En tout cas, pas la taxe sur les voitures société. Surtout pas. Les médicaments visés, en tout cas, dépendrait de leur utilité réelle et de leur taux d'usage. Évidemment. Et le cabinet de Maggie de Bloch, qui en prend pour son grade pour le moment, Maggie de Bloch, parle de ballon d'essai et précise que la ministre fera tout pour que l'on ne touche pas aux patients. Il faudra me passer sur le peur. C'est quand même pas évident. Mais donc voilà. Maintenant que Caterpillar, c'est fini. Des pistes, en tout cas, qui doivent encore faire l'objet. Jean-Jacques parlait de conditionnel, effectivement, l'objet de négociations entre les parties, rien n'étant arrêté à l'heure actuelle. Deuxième extrait musical. C'est génial. Patrick Sébastien. On a gagné ce soir. Alors, on a gagné ce soir. De quoi s'agit-il? C'était pas Bruges, en tout cas, hier. Score de Bruges. Non, c'est pas le score de Bruges. Non. Mm-hmm. On a gagné. On parle de la Belgique. La Belgique a gagné quelque chose. Premier champion en... Non. Ce n'est pas du sport. Non, c'est de l'économie. Allez, pour une fois qu'il y a un truc positif, vous ne le savez pas. L'économie. Ah. Là, on le nombre de PME au kilomètre carré. Non. La Belgique a progressé dans un classement, mais lequel? Ah oui. Ah, Jean-Jacques là. Non. J'aime bien l'ascenseur émotionnel. Oui, c'est ça. Oui. Non. La Belgique a. Allez, je vous aide à gagner deux places dans un classement, mais lequel? Les écoles. Non. Les chansons de Patrick Sébastien. Là, ça intéresse personne. C'est une info positive. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même en parler. Si on progresse de manière économiquement parlant. Il y a tellement longtemps que ça n'a plus progressé. Dans l'industrie du disque. On comprend qu'on ne connaisse pas. Non. C'est dans une industrie particulière? Non, c'est pas dans la société, c'est dans l'économie. Macroéconomie. Je vais vous aider. C'est dans la microéconomie. À gagner deux places au classement du Forum économique mondial. La Belgique a progressé la première fois en 5 ans dans le classement établi par le Forum économique mondial, le WEF, en matière de compétitivité. Et se classe donc désormais 17e. C'est ce qui ressort du Global Competitiveness Report, publié dans la nuit de mardi à mercredi à Genève. Un score attribué à la Belgique en hausse donc depuis plusieurs années. mais cela ne s'était pas reflété dans la liste des 138 pays établis chaque année par le WEF, avec une progression de 5,25 points. Notre pays atteint désormais la 17e place mondiale et la 9e européenne. La Belgique obtient donc ses meilleures appréciations pour les soins de santé. Bon, ce sera à revoir, hein, un an après. L'année prochaine, on est cuit. Voilà, c'est ça. Pour l'enseignement, bon, bah, on en parle toujours, hein. C'est à revoir. La formation et le développement technologique. Et à contrario, la politique fiscale, la législation du travail jugée restrictive et les charges administratives ont plombé notre résultat. Et un podium mondial qui est toujours composé, bah, de quel pays, à votre avis, qui est numéro 1 ? On se dit la Suède, la Finlande, ah, comme non, on n'est pas, pas très loin. C'est pas le Danemark, la Suède. Non, non, non, c'est la Serbie. C'est la Suisse, effectivement. La Suisse en tête pour la 8e année consécutive. Pas très loin, de, pas très loin. De Singapour et des États-Unis. Les Pays-Bas atteignent la 4e place devant l'Allemagne. La Suède est 6e, le Royaume-Uni 7e. Tandis que le Japon 8e, Hong Kong 9e et la Finlande 10e. Dégringole, voilà, c'est ce qu'on apprend dans la presse. L'Eurovision. C'est vrai que pour la Suisse, c'est assez compétitif puisque la semaine de travail est à 45 heures. Il n'y a pas de salaire minimum, etc. Ouais, mais il y a des salaires maximum, là. Donc, fatalement, c'est assez compétitif. Alors, en parlant de travail, justement, vous avez lu cette info concernant un employeur américain qui propose à ses employés de travailler 5 heures. Oui. Et ça cartonne. Ça porte ses fruits, effectivement. C'est une idée commune. C'est RTB, non ? Une idée commune. Ici, on travaille 2 heures. On travaille 2 heures. Et nous, ici, 1 heure et demie. On ne sort pas le lundi. 1 heure et demie. Et nous poursuivons cette aventure presque sérieuse avec vous qui êtes de l'autre côté du poste. Vous nous écoutez dans votre voiture, à la maison, peut-être au travail. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux pour tenter de repartir avec cet exemplaire de l'album Belgium, etc. 1830-2030. On vous invite également à retitrer cette info. Oui, l'info que Théo Franken n'aurait pas dû partager. En tout cas, un gif, une image animée qu'il n'aurait pas dû partager. Info que vous allez retitrer après 17h. N'hésitez pas à le faire. Et on joue ensemble dans quelques minutes au Qui a dit CPS au 6031. Ce sont donc ces trois lettres qu'il faut nous envoyer. 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On joue ensemble au Qui a dit. Qui aurait pu dire « Je suis la banque ». Je suis la banque. Certainement pas David Watley, qui lui va nous parler tout de suite bien de l'élection présidentielle qui passionne les enfants. Élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Tu me rappelles Georges politiquement. Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. C'est exact. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Excusez-moi. Oui. La Peugeot 208, là. Le parc assist, elle l'a ? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Ah oui ? Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Moi, j'aime les produits qui racontent une histoire. Il était une fois de savoureuses tomates en grains. Oui, une histoire, monsieur Marc. Elles étaient produites en Belgique, en respectant l'environnement. Elles venaient de la filière qualité Carrefour. Oh. Et ça finit comment ? Ben dans l'assiette. Oh, dans l'assiette. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, les tomates en grappe filière qualité Carrefour sont à seulement 1,19€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. C'est la braderie d'automne au Stockel Square. Un véritable feu d'artifice de bonnes affaires pour toute la famille. Alors, pour en profiter, rejoignez-nous ces vendredis, samedi et dimanche. La grande braderie d'automne, celle qui étonne. Stockel Square, il y a vraiment tout pour nous plaire. Stockel Square. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé. Pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le dès maintenant chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Et c'est l'ingénieure Sarah qui va construire le plus long pont du monde. Pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve. Aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong. J'ai presque fini. La première. Mobile Info. À 16h19, on retrouve Anne-Michel Vlouberg. Bonjour Anne-Michel. Bonjour Walid, bonjour à tous. Attention Anne-Michel, le mot que vous n'allez pas pouvoir prononcer dans votre info trafic, c'est le mot voiture, embouteillage et... circulation. Et carrefour. Et on va tenter ça. Carrefour, voiture et embouteillage. Ne dites rien. Voilà, c'est fini. À tantôt. Non, allez. On a un accident sur le 42 Baptiste Prume, hauteur de Malmedy, voie de gauche et bande d'arrêt d'urgence neutralisée en direction de Prume. Accident dans l'échangeur de Timéon. La berme centrale est neutralisée dans la bretelle reliant la 54 venant de Nivelles à le 42 en direction de Liège. Accident encore sur le ring de Bruxelles à l'entrée des travaux de Wautier-Braine vers Mons. Des ralentissements, bien entendu, sur ce ring de Bruxelles en circulation extérieure. Zaventem Grand Bigard, vous comptez une quinzaine de minutes supplémentaires. Et puis on a un véhicule en panne sur la petite ceinture de Bruxelles à la sortie du tunnel Léopold 2. La bande droite est encombrée en direction de Kuckelberg. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Monsieur Trump, ça suffit. Voilà, ça c'est la belle introduction. Non mais vraiment, c'est ça. Dès qu'on fait ça maintenant, on pense à Trump. Et je trouve ça génial. La campagne électorale, effectivement, américaine a connu un nouveau... Oui, oui, mais avant ou après? Avant ou après, effectivement. La campagne électorale américaine a connu donc un nouveau départ avec le premier des trois débats entre Hillary Clinton et Donald Trump, une élection présidentielle qui passionne également les enfants, David Watley. Oui, je sais. Le sujet est un petit peu American Pie, tarte à la crème pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. J'avais en magasin une valeur sûre, la manif nationale de demain, avec un enfant qui se moque de l'accent de Marc Goblet. Mais non, les gamins voulaient me dire tout le bien qu'ils pensaient de Donald Trump. Pourquoi c'est naze, la manifestation nationale? Non, c'est parce que j'ai envie de dire plein de trucs sur lui. Et qu'est-ce qu'on dit sur Donald Trump? Que c'est un gros con et qu'il faut pas le mettre comme président parce que c'est un gros raciste. Ouh là là là là, on c'est avait direct, dit, là. Oui, on avait dit pas de vulgarité, les enfants. Non, ici c'est presque sérieux. Walid y tient beaucoup, pas de blagues de sexe, ni de gros mots. Non. Alors Walid, comme j'essaye toujours d'être un bon élève, plongeons au cœur des dossiers de fond. Il est comment vraiment Donald Trump? Donald Trump, pour ceux qui ne connaissent pas, il ressemble à un Américain. Hey, c'est moi, Donald Trump. Il a des cheveux jaune, je pense. Il est gros, moche, blond, presque chauve. Il fait son malin, et voilà. Il fait son malin. Ça, c'est le truc dans la cour de... Il fait son malin, monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait, Marc, le tableau? Ça, c'est génial. Bon, on avait dit pourtant pas d'attaque non plus sur le physique. C'est méchant, il n'y peut rien. S'il a un chat mort sur la tête, en plus, grâce à lui, tous les chauves de la Terre sont finalement contents de leur situation, entre guillemets. Je suis vraiment désolé, cher auditeur, ça n'arrivera plus. Je trouve qu'il n'est pas très beau et il a une femme qu'il aime pour son argent. Ouh là là, on avait dit pas la famille non plus. Oh là là, c'est peine perdue pour Donald Trump. Visiblement, les enfants ne sont pas fans. Passons à l'autre candidate qui s'appelle comment encore déjà? Donald Trump et Hillary Clinton. Clinton? Oui. Harley Clinton. Harley Clinton. Quand je pense à tous les postes qu'Hillary Clinton a dû se taper pour devenir première présidente des États-Unis, plus toutes les couleuvres qu'elle a dû avaler à cause de son mari. Non, pas les couleuvres avalées. Non. Pas avec les enfants. Non. Bref, c'est dur quand même, alors qu'on va peut-être vivre un moment historique. Une femme présidente. Hillary Clinton, ça peut être une bonne présidente parce qu'elle peut faire deux choses en même temps. Qu'est-ce qu'elles savent faire tous les deux en même temps, les femmes? Elles savent écrire et téléphoner. Ça aide. Moi, je me demande c'est quand même. Connu. Pourtant, elle n'est pas terrible en email. Moi, je me demande quand même si cette dernière remarque n'était pas un tantinet caricatural. En même temps, si on a une femme à la tête des États-Unis, on est sûr que le bureau ovale sera toujours nickel, bien nettoyé. Merci David Watley pour cette chronique. On retrouve Raoul Reyers dans un instant. Le temps pour nous d'écouter Ben Harper and the Innocent Criminals avec ce morceau Shine. Ben Harper et son groupe The Innocent Criminals qui seront en concert le 18 octobre prochain à Forêt Nationale. En attendant, inscrivez-vous CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On joue ensemble dans un instant. Qui a dit beau cadeau à la clé? Qui aurait pu dire je suis la banque? We shine like a new tattoo, scarred on skin bright as day. Across my heart there is no other way. We are like two roads that lead to the same place. Harper and the Innocent Criminal, c'est ce que vous écoutiez à l'instant sur la première. Call it what is. Hey Raoul, ça fait du bien. Je crois que je vais me prendre une méthode à 6000, moi. C'est vrai ? En anglais. Prenez une à 10 000, c'est meilleur. Moi, je crois aussi. C'est ce que j'allais dire. Alors, Raoul, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité aujourd'hui ? Eh bien, on dit toujours du mal de la Corée du Nord. Oui. On dit par exemple qu'il n'y a pas Internet, et eh bien c'est pas vrai. Il y a Internet, pas comme chez nous, mais presque. En fait, les Nord-Coréens... Déjà. Mais c'est plutôt intranet qu'il faut dire dans ce cas-là. Oui, les Nord-Coréens ont droit à 28 sites. Oui. Ce qui est pas mal quand même. Oui, oui. Il y a tous les ministères déjà. Kim Jong-un est un héros. Les vidéos de Kim Jong-un sur YouTube. Non, je crois que c'est des trucs un petit peu ministériels avec les papiers à remplir. Ouais. À mon avis, ils passent leur journée à faire ça. Enfin, pour nous aussi, il y a 28 sites pour le SPF. Oui, c'est ça. Et puis il y a un site pour les sports. Oui. Hein, peut-être des vidéos là. C'est un site de rencontres. Non, non. Et un site de gastronomie. Ah oui. Un site de cuisine. Les nouilles. La cuisine très traditionnel, ouais. Donc, par exemple, nouilles de fécule de patates douces dans un bouillon froid de bœuf. Oui, attendez, nouilles de patates douces, quand vous avez des nouilles et des patates douces. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ou alors le merlin séché farci. Quand vous avez du merlin séché. Ou du séché. Ouais. et tout est des roulés de limande. Ah oui, oui, oui. Quand il y a de la limande, évidemment. Bien sûr. Et donc, c'est souvent une bouillie de riz avec un poisson et fécule. Et un premier ministre dedans. Et des légumes. Oui, c'est ça. Des restes de ministre à l'intérieur. Mais bon, de toute façon, pour y aller sur le net, il faut un ordinateur. Ouais. C'est ça, il n'y a personne qui y va. Et sur les 24 millions de Nord-Coréens, ils sont peut-être 1000 à en avoir. Et ensemble. Encore, vous êtes gentil quand vous dites 1000. 12. Et encore, quand ils ont l'électricité. Ouais, ça, c'est clair. Bon, une autre info, Raoul. Une petite histoire. Allez-y, rapide. Allez. L'odeur de décomposition était masquée par celle de la nourriture moisie qui se trouvait parmi les déchets remplissant la pièce. Et c'était ? Eh bien, c'était Sherita qui est aveugle et qui s'est aperçue... Enfin, on s'est aperçu pour elle qu'elle vivait avec le squelette de son fils depuis 20 ans. Non, mais non, non, non, non. C'est où ? C'est aux États-Unis. Donc, c'est sa sœur qui est venue chercher... Tout de suite soulagée. Elle a fait une chute dans son living ouais. qui devait être un peu arrangé. Et sa sœur est venue, on l'a emmenée à l'hôpital, et sa sœur est venue chercher des affaires, et en dessous d'un amas de grâce, il y avait le squelette encore habillé en jeans et capuchon, et même il avait ses chaussettes. C'est énorme, c'est énorme. Donc vous imaginez, sa sœur n'est pas souvent la voir. C'est clair. Merci Raoul Reyers pour ces infos. On s'intéresse justement à l'actualité avec une phrase. Quelqu'un a pu prononcer cette phrase. Je suis la banque, à vous de le déterminer. CPS au 6031, 75 centimes le message. On marque juste une petite pause et on vous accueille d'ici quelques minutes. Et on accueille surtout bien Nicolas Lehmann qui nous informe tout de suite sur la première. La première présente la foire du verre de Lannes. Artisans, antiquaires, collectionneurs, découvrez le monde de l'art du verre, du bijou et du cristal, ainsi qu'une initiation au métier du verre. Plus de 70 exposants, des dizaines de milliers de pièces. Dénichez celles qui vous manquent. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre au Centre sportif de Lannes. Info foireduverre.eu. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Et top ! Vous pensiez que le temps ne pouvait pas s'acheter ? Détrompez-vous ! Vous pourrez enfin rentrer plus tôt chez vous. Pour votre administration sociale, faites confiance aux experts de Groupe S et profitez de plus de temps pour faire ce qu'il vous plaît. Découvrez l'offre multiservice de Groupe S. Rendez-vous sur plusdetemps.be. Groupe S, votre secrétariat social. Etias, bonjour. Bonjour, dites, avec l'Etias Young Driver Bonus, mon bonus malus descend deux fois plus vite, non ? Oui, c'est bien ça, si vous ne faites pas d'accident. Ah bah tu vois, papa, que j'avais raison que le bonus malus... Non, elle n'a pas dû comprendre la question. Et donc votre prime aussi descend deux fois plus vite, hein ? Ah ouais, dites, ça vous dérangerait de prendre mon père au téléphone ? Mais non, mais je sais très bien que ça descend deux fois plus vite. Ce n'est pas pour rien si depuis deux ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces sureurs. Conditions sur etias.be. En télé, sur la une... Je voulais absolument partir, j'en pouvais plus d'ici. Laura a passé 9 mois en Syrie, au cœur de l'État islamique, avec son petit garçon de 4 ans. Au cœur de Daesh, avec mon fils. Et On va perdre notre ADN, 2 documents en exclusivité pour la rentrée de Devoirs d'enquête, ce mercredi, sur la Une. Et c'est l'ingénieur Sarah qui va construire le plus long pont du monde, pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve, aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong, j'ai presque fini. La première. 16h30. Et hop, 16h31, et c'est Nicolas Lehmann qui vous informe. Bonjour. Bonjour. La Lufthansa veut racheter Brussels Airlines. La compagnie allemande détient déjà 45% du capital et souhaite acquérir les 55% restants via une option d'achat dont elle dispose et qu'elle a donc activée cet après-midi. L'annonce passe plutôt mal du côté des actionnaires belges. Le prix proposé est jugé beaucoup trop faible. Certains craignent aussi de voir Brussels Airlines intégrer la filiale low-cost Eurowings. Une audition très attendue cet après-midi au procès de Bernard Westphal, celle de l'amant de Véronique Piroton, un personnage dont le rôle, parfois trouble, est très différemment perçu par l'accusation et par la défense. Un témoignage qui suscite beaucoup d'intérêt. De nombreuses personnes se sont présentées à l'entrée de la cour d'assises de Mons pour la reprise cet après-midi. L'actualité, ce mercredi, c'est aussi le rapport des procureurs internationaux sur le crash du vol MH17 en Ukraine. C'était le 17 juillet 2014. L'avion était abattu avec ses 300 passagers, aucun survivant. Une certitude, le missile a bien été tiré d'une zone contrôlée par les séparatistes pro-russes. Les conclusions du rapport tout à l'heure dans le journal de 17h. Et puis les hommages ont continué d'affluer tout l'après-midi. De nombreuses personnalités saluent la mémoire de Shimon Peres, artisan des accords d'Oslo, prix Nobel de la paix. Réaction plus contrastée côté palestinien. C'était un partenaire courageux pour la paix, dit le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mais le Hamas au pouvoir à Gaza, lui, se réjouit, je cite, de la mort d'un criminel fondateur de l'État d'Israël. Voilà, Walid, quelques-uns des titres que nous développerons dans une demi-heure. Merci Nicolas, retour de l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et on poursuit cette aventure presque sérieuse. Nous avons au téléphone Charlotte, elle est avec nous. Charlotte de Liège, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Ah, vous avez une voix magnifique, Charlotte. C'est très gentil. Voilà. Quel âge peut-elle avoir ? Non, mais... si elle n'est pas mal, votre voix. Ah, ça me fait plaisir. Dites-vous deux, on voit bien votre manège. Vous venez de Liège, d'où ça, Liège, précisément ? Dites-nous tout. Vous voulez vraiment avoir mon adresse exacte? Écoutez, Et le numéro de téléphone, mais après. Le téléphone, je l'ai déjà. On l'a déjà, le numéro de téléphone, ça, il n'y a pas de souci. L'adresse, on l'aura après, mais. Dans quel quartier, quoi? Ouais, où ça exactement? Dans le quartier des Veynes. Ah, le quartier des Veynes. Ah, bien sûr. Voilà. Très bien. Très belle artère. Justement. Justement. Oui, vous voyez, très bien. Voilà, comme dirait Pierre Charette, effectivement, j'ai le cœur qui bat maintenant en vous écoutant. J'ai les mains moites, Charlotte. Parfois, Walid peut livrer les cadeaux. Oui. Faut attention, elle ouvre la porte et elle est à moitié habillée. Ouh là ! Charlotte est avec nous. Charlotte, on s'intéresse à l'actualité du jour que vous avez dévorée, bien entendu. Écoutez votre bien voix. Comme tout matin, bien évidemment. Voilà, voilà. Charlotte, vous faites quoi dans la vie, dites-moi ? C'est bien fort intéressé. Je suis photographe. Ouh, très beau métier. Ça vous intéresse. Bah écoutez. Voilà, elle va réussir à mettre mal à l'aise, Charlotte. Moi, je crois qu'elle a déjà gagné. Moi, je crois qu'elle est souriante, qu'elle respire le bonheur. Et Charlotte, on a envie de vous sourire. On a envie de sourire à votre objectif. Voilà. Justement, objectif pour vous, ma chère Charlotte, c'est de répondre correctement à la question que je vous pose tout de suite. Qui aurait pu dire « Je suis la banque ». Voici vos propositions pour tenter de repartir avec un exemplaire de ce magnifique album signé Gilles Dall, accompagné de 22 caricaturistes belges célèbres, Belgium, etc. Qui aurait pu dire « Je suis la banque » Jean-Jacques Jespers. Quand il dit qu'il est la banque, il veut évidemment dire la banque de données. C'est José Cordoville, l'ancien responsable de la communication d'Écolo, engagé par le CDH pour aider le parti à remonter la pente. Au vu des scores des Verts, on peut se demander si c'est vraiment « the right man at the right place ». José Cordoville. Il avait travaillé ici, hein. Jean-Jacques Jespers. Il a été journaliste à la TB. On va demander à David Watley. David Watley, qui aurait pu dire « Je suis la banque ». Eh bien, c'est celle qui est assise sur le coffre-fort. Enfin, pas plus pour longtemps. Angela Merkel. Angela Merkel, qui aurait pu dire « Je suis la banque ». Raoul Reyers. Ah, Wally, si vous aviez mon âge ou celui de Jean-Jacques, qui me comprendra, c'est un air connu, ça, « Je suis la banque ». C'est la blague fétiche de tous les huissiers quand ils arrivent chez un mauvais payeur et qu'ils frappent à la porte. Toc, toc, toc, c'est qui ? Je suis la banque. Les huissiers. Ben oui, qui viennent chercher l'argent chez, bah ouais, chez le contribuable. Faites sauter la banque. Les huissiers. Tous les huissiers d'un coup. Tous de la cuve. Il y a des blagues de cordonniers, il y a des blagues de huissiers. On va demander à Vincent Flibussier qui aurait pu dire « Je suis la banque ». Ben, c'est le nouveau chroniqueur d'RTL, Jean-Michel Labanque, qui a dit « Je suis la banque ». Vous travaillez pas beaucoup pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Bah si, je suis à fond là. Non, bon, en fait, c'est tous les chroniqueurs. Non, mais attendez, petite parenthèse, Vincent de Fibus. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel Labanque? C'est pas mal. Une baisse de régime? Pierre Cherette, il a ri, et Jean-Jacques aussi. Ou alors il fait un AVC, mais c'est pas grave, il y a une réaction. Et enfin, on va demander à celui qui aurait peut-être la bonne réponse. Pierre Cherette, qui aurait pu dire « Je suis la banque ». Le niveau est haut. Hein. C'est Marie-Christine Marguem qui a prononcé cette phrase lors de la partie de Monopoly que les membres du gouvernement ont fait au dernier conseil des ministres. Je vous avoue que les sous-ministres n'étaient pas hyper chauds qu'elle fasse la banque. Vous m'étonnez. Alors, Charlotte. Je suis la banque. José Cordoville, Angela Merkel, les huissiers, pluriel. On va éliminer tout de suite Monsieur la banque, hein, comme ça on va gagner du temps. Non. Ah, non, bah d'accord. Non. Et non. Marie-Christine Marguem. D'accord, à ce moment-là, vous me faites autant de cadeaux. Vous voulez vraiment que je gagne, mais je savais quand même la réponse. Ah, alors dites-moi. Ah, ou alors vous avez besoin de gagner du temps ou pas? Non, absolument pas. C'est le professionnel que de la radio. Non, dites-nous directement. Non, n'hésitez pas, dites-nous tout de suite. Je crois que c'est le petit David Watley qui avait la bonne réponse. Le petit David Watley, effectivement, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la couleur de la connivence. Angela Merkel, effectivement, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous savez dans quel contexte elle a pu le dire, Angela Merkel? Je crois que c'est pas avec Sarkozy qu'elle effectivement avait discuté de tout ça. Voilà, Sarkozy est au cœur d'un livre, le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui sortira demain. Et je peux vous dire qu'il va se vendre comme des petits pains. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce livre nous présente un véritable florilège de petites phrases et autres confessions de l'ancien président. Et sur Angela Merkel, à qui il disait en plaisantant, laissez-moi vous dire, je suis la tête. Et vous êtes les jambes. Et là, la chancelière allemande lui répond « Nein, je suis la banque ». Effectivement, et c'est pas une blague. Et alors, il crache sur tout le monde, sur Jacques Chirac. Il déclare, je cite, qu'il aurait été le plus détestable de tous les présidents de la Ve République. Franchement, je n'ai jamais vu un type aussi corrompu. Sur François Fillon, après l'inauguration en 2010 par son Premier ministre d'une mosquée, pauvre type, minable, tant qu'il y est, il n'a qu'à venir mercredi au Conseil des ministres en babouche avec un tapis de prière. Alors, il y va vraiment à fond. On l'imagine vraiment le dire. Ah non, mais je vous jure. Alors, je vous passe encore sur Strauss-Kahn et sur lui-même aussi. Hein. Il fait, bon, je sais bien, je suis le Tom Cruise du pauvre. Je vous promets. Il le dit, mais c'est énorme. En tout cas, bravo Charlotte, vous êtes récompensée. On vous envoie ce magnifique cadeau, un exemplaire de l'album Belgium, etc. 1830-2030, vous allez vous régaler, revisiter l'histoire, en tout cas, par 22 caricaturistes belges célèbres. Et puis l'écrivain, humoriste et historien, notre ami Gilles Dalle. Bel ouvrage que nous vous envoyons. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Hein. D'accord, comptez sur moi, merci beaucoup. Mais je vous en prie, gardez votre voix. et ce petit sourire. Ah, moi j'aime bien. Tiens, et Charlotte, tant que je vous ai au bout du fil, oui. Vous aimez les bonnes nouvelles? Ah oui. Eh bien, Walid, demain chez vous. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est des bonnes nouvelles. Il est là pour nous le présenter, c'est Jean-Jacques Jespers. Quel est votre prénom? Bonjour, Fernand. Vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer, quelle est-elle? J'ai mangé une très bonne pâtisserie. Et la fête continue. Non, pas de petites bonnes nouvelles. Il n'y a que de belles bonnes nouvelles. Et Jean-Jacques Jespère, c'est là pour justement nous faire le portrait de l'actualité aujourd'hui avec toutes les bonnes nouvelles qu'il a pu recueillir pour nous. Hier, c'était la fête de la communauté française ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Enfin, je veux dire, la bonne nouvelle, c'est que c'était hier. Comme ça, on n'est plus obligé d'en parler aujourd'hui. Je peux donc donner des nouvelles plus réjouissantes, comme par exemple celle-ci. Contrairement à ce qu'on croit souvent, les socialistes ne sont pas du tout hostiles à l'initiative privée. La preuve, Henri Goffin est directeur général du hall d'exposition Mons Expo, entreprise publique donc. Et Henri Goffin est aussi gérant d'un centre privé de séminaire situé juste à côté. Ah oui. Un petit peu un concurrent de Mons Expo, donc le MIX, Mons International Center Experience. Un titre ronflant en anglais avec Mons dedans, ça vous attire les managers du monde entier, comme la bière attire les guêpes. Vous allez me dire, quel est le rapport entre Henri Goffin et le socialisme? Eh bien, il se trouve qu'Henri Goffin a un troisième job. Il est aussi trésorier du PS. Si vous pensez que ce n'est pas encore suffisant comme preuve qu'il est bien socialiste, il y en a une autre. Pour son boulot à 2/5 temps à Mons Expo, Henri Goffin se contente d'une rémunération de 10 000 euros par mois. Ouais. Pour la même fonction, un cadre du MR exigerait 10 fois plus. Donc Henri Goffin est bien socialiste. C'est qui est fou. Enfin, entendons-nous. Être socialiste à Mons, ça veut surtout dire boire des coups avec Elio Di Rupo, qui, comme on ne le sait pas assez, est non seulement bourgmestre de Mons, mais aussi président du Parti Socialiste. Deux charges tellement lourdes qu'elles l'ont empêché hier de rester pour écouter les discours à la fête de la communauté française. Ah bon ? Mais ouais. C'est parce qu'on lui avait volé sa chaise. Mais qui va à la chasse perd sa place. Et c'est Michaël Modricamen, l'impavide leader du PP, qui s'est assis sur la chaise des lieux. Non, au premier rang. Il n'a pas osé. Bah, parti populaire, parti socialiste, au fond c'est un peu synonyme, non ? Voilà, c'était notre rubrique. Que peut-on dire à la RTBF sur Elio Di Rupo, le PS ou Mons, sans que le micro soit coupé ? Une autre bonne nouvelle qui a échappé à la plupart des commentateurs. Tout le monde tremble à cause du soi-disant dérapage budgétaire fédéral de 4 milliards qui va soi-disant entraîner des mesures radicales baptisées par les ministres eux-mêmes « catalogue des horreurs ». Mais ce qu'on dit moins, c'est que la trésorerie, c'est-à-dire l'administration qui gère la dette de l'État, a très bien fait son travail depuis 20 ans. En fait, les charges d'intérêt de la Belgique n'arrêtent pas de baisser chaque année. Mmh. Elles sont passées de 9% il y a 20 ans à environ 3% aujourd'hui. Et aujourd'hui, les dépenses de l'État, si vous regardez bien, sont exactement égales à ses recettes. Exactement égales aux recettes. La seule chose qui creuse le déficit, ce sont les intérêts que l'État doit payer sur ses emprunts. Mmh. Donc si demain on doit diminuer les allocations de chômage, les salaires des fonctionnaires ou les remboursements de médicaments, c'est surtout pour ne pas embêter les créanciers, c'est-à-dire en gros les banques. Ah oui. Embêter les banques, ce serait vraiment pas très malin, vu que c'est elles qui ont le fric. Autre bonne nouvelle, chers amis dépressifs et névrosés, ne vous inquiétez pas, la psychiatrie est tout sauf une science exacte. En quelques jours, en effet, le QI de Bernard Westphal est passé de 83 à 96. Autrement dit, il se révèle juste aussi idiot que n'importe qui. Les experts psychiatres estiment aujourd'hui qu'il n'est ni antisocial, ni psychopathe, ni impulsif, ni borderline, ni alcoolique, ni menteur pathologique. Toute chose que pourtant le docteur Hellebuyck, expert psychiatre du parquet de Bruges, avait constaté après lui avoir parlé pendant 50 minutes et avoir lu quelques articles dans Paris Match. Allez docteur, prenez encore un petit Xanax et tout ira bien. Autre bonne nouvelle plus surprenante encore, le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson, le seul roi des Bleus qui a réussi à être élu maire de Londres, est très content de sa machine à laver turque. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des machines à laver turques. Enfin, dernière bonne nouvelle pour nos abonnés, Twitter est à vendre. Si vous avez 30 milliards de dollars, c'est une belle occasion. Mais sachez quand même que Twitter n'a encore engrangé aucun bénéfice en 10 ans d'existence. Ouais, c'est vrai. C'est Disney qui est peut-être sur le coup d'ailleurs. Peut-être Disney. Ouais, qui voudrait racheter. Ou Google. Disney se rapproche. Il y en a qui se rapprochent. En tout cas, merci Jean-Jacques pour ce petit journal des bonnes nouvelles que vous retrouverez bien entendu en podcastant l'émission du jour sur le rtbf.be/ovio. Pas mal de bonnes choses vous attendent, notamment sur la page Facebook où on continue à vous offrir cet exemplaire de l'album Belgium, etc. Si vous voulez découvrir l'histoire de la Belgique autrement avec des caricaturistes et surtout conté, narré, raconté par l'écrivain, humoriste et historien Gilles Dalle, et bien c'est le moment, c'est l'instant. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'émission, notamment pour y retitrer une information. On va en parler après 17h. Cette histoire de Théo Franken qui n'aurait pas dû partager un gif. On en parle et on retitre cette information, même titre que vous. N'hésitez pas à le faire sur la page Facebook. Et en parlant de Théo Franken, on les a appelés cet après-midi. Et vous aurez le résultat tout à l'heure après 17h. Et les histoires, il va vous en raconter, c'est Vincent Flibustier. Mais avant cela, que s'est-il passé un 28 septembre ? Réponse tout de suite sur la première. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Bonjour chérie, t'as bien dormi? J'ai faim de ces rêves. Raconte-moi. J'ai rêvé qu'on construisait notre maison. Oh, ça c'est plutôt un cauchemar. Ah non, non, non. On pouvait choisir tous les matériaux. La maison était construite selon nos plans, dans le respect de notre budget et des délais. Ah. Mais bon, c'était qu'un rêve, quoi. Passez du rêve à la réalité avec Sibomat. Optez pour une construction sur mesure dans le respect de votre budget et des délais. Prenez contact dès aujourd'hui avec votre conseiller en construction sur sibomat.be. Sibomat, les bons plans font les bons amis. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Une idée importante ? Ne la laissez pas s'envoler. Écrivez-la sur une note super sticky post-it. La première vous invite à l'avant-première du film Mal de Pierre. Vous voulez vous marier avec moi ? Vous êtes fou. Marion Cotillard, sublime, dans un film de Nicole Garcia. Pour y assister en présence de la réalisatrice le 3 octobre au FIF de Namur, 0905 56 474, 50 cents par appel. La première. Mobile Info. 16h46, retrouvons Anne-Michel Vlouberg. Anne-Michel. Oui, Walid. Que se passe-t-il sur nos routes ? Dites-nous tout. Eh bien, les suites de 2-3 accidents. Tout d'abord sur le 42 Baptiste Prume à hauteur de Bellevaux. Voie de gauche et bande d'arrêt d'urgence neutralisée. Vous perdez là quelques minutes en direction de l'Allemagne. Accident dans l'échangeur de Timéon. Bande de gauche neutralisée dans la bretelle reliant la 54 venant de Nivelles à le 42 vers Liège. Et puis, toujours les suites de l'accident sur la ring de Bruxelles en circulation extérieure à l'entrée des travaux de Wautier-Brenne. C'est en direction de Mons. Et sur ce ring, justement, vous pouvez rajouter une vingtaine de minutes supplémentaires en circulation intérieure Zaventem-Carrefour-Lenard, 20 minutes supplémentaires en circulation extérieure Zaventem-Grand-Bigard pour les temps de parcours les plus longs. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça ? Hey, Houston, on a un problème ici. Si vous aimez le banjo, eh bien, demain, Laurent Dosset vous en parle. Mm-hmm. Et durant une heure, entre 13h30 et 14h30, le banjo, un acteur de l'histoire musicale américaine, c'est au menu absolument de votre émission d'histoire sur la première et l'histoire qui s'invite également dans C'est presque sérieux. Que s'est-il passé un 28 septembre ? Voici votre question. Je ne suis pas protestant et pourtant j'ai sans doute sauvé des milliers de vies. Qui suis-je ? Je ne suis pas protestant facile. Et pourtant, j'ai sans doute sauvé des milliers de vies. Qui suis-je ? Est-ce qu'on parle vraiment du protestantisme comme on non, le mais comme ça, il y a un jeu de mots. Il n'y a pas un jeu de mots, c'est une référence qui peut vous donner un indice. C'est un indice. C'est Martin Luther King. Alors, Luther. Non, pas Luther. Genre protestant. Calvin. Non. Calvin. Martin Calvin Luther King, il était quoi, Martin Luther King ? C'était un. Pasteur. Okay. Ah oui, Pasteur. Louis Pasteur. Louis Pasteur, effectivement. Décédé, 28 septembre 1895. Il était né en 1822. Il est entré à l'école normale pour étudier la chimie et la physique. Ses travaux universitaires s'intéressent à la fermentation, on le sait. Il est le premier d'ailleurs à faire le lien entre la recherche fondamentale et le milieu industriel, en l'occurrence les brasseries de Lille. On lui doit la bière, monsieur. On lui doit la bière. Alors, bien que son nom soit aujourd'hui lié au monde de la médecine, il n'a jamais été médecin. Non. Jamais. Hein. C'était un scientifique, un physicien, un chimiste de formation, mais il n'a jamais comme étudié Anna la médecine. Comme Non, lui, c'est le contraire. Il a été médecin, mais jamais politicien. Et en fait, ce n'est pas Louis Pasteur qui a inventé le principe du vaccin, mais Edward Jenner. Celui-ci avait observé que les valets de ferme, en contact avec les vaches, dont nombreuses avaient la vaccine, étaient naturellement immunisées contre la variole humaine. Et alors, M. Edward Jenner a tenté l'expérience sur un enfant auquel il a inoculé volontairement la vaccine, puis la variole, et l'enfant ne développa pas la maladie. Et c'est à ce moment-là que... pas folle la guêpe, qu'est-ce qu'il a fait l'autre là, le pasteur ? Il lui a piqué le bon l'idée. Je vais lui piquer l'idée. Et voilà, c'est QFD. Bienvenue dans l'histoire. Merci monsieur Pasteur, en tout cas, merci à vous, puisque grâce à vous, on n'a plus la rage. Et les renards, et non tout plus, est dans tout dans cette émission, c'est incroyable. Bah, vous ne vous rendez pas compte. C'est phénoménal ce qu'il a fait, monsieur. C'est une avancée. Là, vous avez du temps à gagner. Là. Non, non, lait, non, pas. Le lait pasteurisé, je veux lui rendre un hommage quand même, monsieur Pasteur. Bon, dans la suite, on va écouter Tien Dao, mon manège à moi. Et puis on va revenir. Je sais que vous adorez Tien Dao. Ouais, Tien Dao, mais à fond. Ça met la pêche, quoi. C'est vraiment le truc, on a envie de danser comme ça. Tien Dao, c'est l'homme quand il chante un peu comme ça. Salut, c'est Tien Dao. Salut, c'est Etienne. Non, je pourrais faire. Je m'entraîne aussi à faire Tien Dao. Vous pouvez nous le dire, vous préparez un spectacle d'imitation. Oui, oui, je promets. Cirque Royal. C'est le nouveau Thierry Le Luron. Allez, c'est parti. Tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble, nous deux. Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux. On pourrait changer planète, tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, on s'aimerait quand même. Salut, c'est Etienne Dao. Bonsoir. Je dis honnêtement, je suis fan d'Etienne Dao. Cette voix, elle me fait quelque chose. Morceau de 1993, l'hymne à la môme, mon manège à moi, Etienne Dao. C'est ce que vous écoutiez à l'instant sur la première. Les histoires de Vincent Flibustier, c'est tout de suite. Bonjour, messieurs Vincent. Vincent Flibustier, racontez-nous des histoires, menez-nous en bateau. Aujourd'hui, Walid, c'est mercredi, vous savez. Jour les enfants. Ouais. Alors, et c'est le vrai ou jour c'est faux, du cannibalisme. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Le jour du cannibalisme. Et oui, le policier cannibale est de retour. Gilberto Valle de New York avait été condamné en 2013 à 2 ans de prison pour avoir planifié l'enlèvement de femmes sur Internet afin de les manger. Sauf qu'il n'avait jamais rien fait d'autre que de fantasmer là-dessus sur des forums. Il n'avait donc pas pu être condamné à plus de 3 ans ferme. Et en même temps, c'est normal. Si on devait enfermer tous les gens pour leur fantasme bizarre, on pourrait enfermer Pierre Cherette, qu'on surnomme ici le zoo nécrophile du boulevard Reyers. Gilberto Valle, donc le policier cannibale, raconte donc que depuis qu'il est sorti de prison, il y a beaucoup de femmes qui ont faim de lui et que ça l'excite beaucoup de manger des femmes, mais qu'il ne s'en sent pas encore trop de le faire pour le moment. Et donc pour le moment, il n'a encore mangé personne, mais il rencontre beaucoup de femmes et on espère que quand il va aller manger au resto, ben il aura assez faim en sortant. Bizarre, il y a des gens comme ça qui ont des mœurs un peu. Je ne comprends pas. Ce qui est toujours bizarre, c'est comme beaucoup de femmes qui fantasment. Faites attention, vous allez déraper. Je sens que vous allez là, déraper. Non, déraper. Du tout. Passons à la seconde histoire. Il n'a pas pu terminer sa phrase, le pauvre. Walid, est-ce que renier ses ongles, c'est du cannibalisme? Pardon? Est-ce que renier ses ongles, ronger ses ongles, c'est de pied, c'est dégueulasse. Cannibalisme. Ah oui, c'est bien entendu, c'est du cannibalisme. Évidemment. Sachez-le, Walid, le dernier pays à autoriser l'anthropophagie, lequel est-il? C'est. Alors, le dernier, c'est-à-dire. Aujourd'hui, là, maintenant. Celui-là, tout de suite, là, maintenant, on peut. C'est pas le Luxembourg. Liechtenstein. Eh bien, non, c'est le Guatemala où on peut manger des personnes à deux conditions. Si on bénéficie de l'aide sociale et qu'on a donc vraiment besoin de manger, et si le cadavre est mort depuis moins de 24 heures, question d'hygiène, j'imagine. Mmh. Mais certains Guatémaltèques semblent détourner peut-être un peu la loi, puisque voici ce que j'ai trouvé sur le site des ministères des Affaires étrangères français comme conseil aux touristes du Guatemala. Donc, c'est donc tiré de diplomatie.gouv.fr. L'anthropophagie y est autorisée. mémorisés sur les corps de personnes décédées. Néanmoins, plusieurs témoignages indiquent qu'il arrive que les locaux tentent de manger des personnes endormies. Fermez donc toujours bien votre chambre d'hôtel. Voilà, si vous allez au Guatemala, ne soyez pas mangé. C'est alors, cool comme slogan. Deux histoires. Ce qui est bien, c'est cannibales. Que au niveau fraîcheur, le cadavre, c'est un peu comme la tartare. Il faut rien à manger dans la chambre. Je vais faire plaisir à monsieur Borsu, ça. Le policier cannibale ou cette histoire au Guatemala, Pierre Charette, première ou seconde? La première. David Watley. La première. La première. Jean-Jacques Jespère. La première, soyez curieux. La première. Et enfin, la Raoul première. Reyes. La première. Alors, c'est à l'unanimité. Unanimité. Et c'est là qu'il va vous dire que c'était la seconde. Ben non, absolument pas, mais derrière cette sombre histoire de femmes qui veulent se faire manger par ce drôle de policier, c'est effectivement, et Jean-Jacques, je pense que ça vous interpelle aussi, intéressant, c'est que malgré, donc, il y a aujourd'hui une jurisprudence aux États-Unis, on a quand même condamné un mec qui avait juste fantasmé sur Internet sur le fait de vouloir kidnapper des gens. Et ça pose question, est-ce qu'il allait passer à l'acte ou pas? Le délit d'intention, ça n'existe plus. Voilà, est-ce que auparavant, par exemple, les gens complètement cinglés qui écrivaient juste des trucs, leurs fantasmes dans un carnet, on pouvait jamais les enfermer. Aujourd'hui, ils le mettent sur Internet et partagent avec d'autres. Est-ce qu'on doit les enfermer ou pas? Bonne question. Merci d'avoir ouvert le débat, Vincent Flibustier, dans cette émission. Et nous continuons à être presque sérieux jusqu'à 17h30. D'ici quelques minutes, l'information signée Diane Burgel-Vernet. Puis on retrouvera justement un des titres phares de cette semaine. Oui, Théo Franken qui n'aurait pas dû partager une photo. Oui, on vous invite à le faire notamment sur notre page Facebook. On vous offre des cadeaux et on aura une presque star avec nous. Et on appellera également le secrétariat de monsieur Franken pour lui poser juste une question. Et si c'était moi qui étais sur cette photo, qu'est-ce qui se passerait? Franchement, qu'est-ce qui... Hein, moi, je crois qu'il va écouter et que ça va le faire rire. Eh bien, écoutez, on verra dans un instant. C'est à suivre dans ces presque sérieux pour vous accompagner. Ils le sont, justement. Pierre Charette, qui, lui, nous parlera dans un instant de... De racisme. Ah, et de la FIFA. Et de la FIFA. Ouais, il faut bien mettre les deux, sinon, sinon ça ne veut rien dire. on va parler de quoi? Avec David Watley est avec nous. On a Jean-Jacques Jespers, on a Vincent Flibustier. On a Raoul Reyers. Bref, vous l'avez compris. Reste, hein. Vous êtes presque sérieux. Merci en tout cas à vous d'être avec nous tous les jours de la semaine. On passe une heure et demie de plaisir, de bonheur. Restez, à tout de suite. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Crefel. Tu sais, chez Crefel, ils vérifient tous les prix, tous les jours, et les adaptent si nécessaire. N'essaie pas de trouver moins cher, y a pas. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais. Vous comprenez? Oui? Non, vous voulez dire oui, oui, ou oui, mais, quoi? Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Invest Export, créateur de perspectives. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment? On part 3 semaines, 3000 euros? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Maintenant chez AVV, 20% de réduction sur les aliments de qualité pour chiens et chats. Conditions en magasin. AVV, tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. La première. Météo. On a bien senti le vent aujourd'hui, et bien sachez qu'il se renforcera demain avec des rafales prévues de 50 à 60 km par heure. Nous serons toujours au-dessus des normales de saison dès le réveil demain avec des températures douces dès la matinée, 12 degrés en Ardennes, 16 degrés en Campine demain à 10h, et puis nous dépasserons les 20 degrés l'après-midi à 14h dans de nombreuses régions, notamment à Bruxelles, 21 degrés, 23 degrés pour la Campine, ainsi que pour la Lorraine belge. L'ambiance lumineuse, oui, ce sera surtout au sud du Sion-Sambre-et-Meuse que le soleil va s'imposer après la dissipation des quelques quelques nuages bas du matin. Mais petit à petit, le ciel deviendra de plus en plus nuageux dès le matin à partir du littoral. Et donc, tout le nord-ouest du pays sera couvert. Les éclaircies seront timides là-bas. Et puis à partir de vendredi, de la pluie sera de retour en matinée essentiellement. Mais les températures redeviendront normales pour la saison, c'est-à-dire 17 degrés au centre du pays. Et puis un week-end qui sera mitigé avant le retour des conditions anticycloniques la semaine prochaine. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Lufthansa va acquérir début 2017 les parts restantes de Brussels Airlines. Brussels Airlines, ce sera désormais plus belge. Les syndicats demandent qu'un emploi de qualité soit maintenu à Zaventem. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur les conclusions des procureurs internationaux. Ils ont enquêté sur le vol MH17 de la Malaysia Airlines. L'avion a été abattu en plein vol en 2014 en l'est de l'Ukraine, touché par un missile de fabrication russe tiré d'un village ukrainien. Avant de développer ces titres, un point sur vos conditions de circulation. C'est avec Anne-Michel Vlouberg. Et on reparle de cet accident dans l'échangeur de Timéon. La bande de gauche reste neutralisée dans la bretelle reliant la 54 venant de Nivelles à le 42 vers Liège. Prudence donc si vous êtes dans ce secteur. Lufthansa va donc racheter Brussels Airlines. Le conseil de surveillance de la compagnie aérienne allemande a approuvé la reprise totale de Brussels Airlines. Lufthansa détient déjà 45% de la compagnie belge. Les 55% restants de SN Air Holding, c'est le holding qui chapeaute Brussels Airlines, seront acquis via l'option d'achat au début de 2017. La compagnie allemande pourrait accueillir la compagnie belge pour 2,5 millions d'euros. C'est insuffisant, estiment les actionnaires belges. Des recours sont donc possibles. C'est ce qu'explique le professeur émérite de l'UCL en droit des affaires, Robert Terwilg. Il est possible d'avoir des recours sur le montage au niveau juridique. Il est évident qu'il y a eu un abus, qu'il y a été un abus de minorité. Il est évident que ce n'est pas correct sur le plan juridique. Il y a des points d'attaque incontestables. Mais il est tout aussi évident que il faudrait un plan B et que dès lors les Allemands sont en train de passer en force et ça augure mal pour l'avenir de la société de devoir prendre le contrôle dans ces conditions-là. Parce que les recours juridiques vont mettre du temps. Alors, il y a des procédures de référé qui sont des procédures qui sont adoptées pour bloquer une situation qui deviendrait irréversible. Donc, on peut, par le référé, bloquer pour faire en sorte de bloquer l'opération et à partir de ce moment-là, renégocier sur le fond. Une interview de Maxime Binet. Des négociations commenceront en principe en octobre avec les actionnaires belges. C'est ce qu'a fait savoir la Lufthansa qui précise qu'elle ne fait pas d'autres commentaires pour le moment. Les syndicats ont déjà réagi. Pour le CETCA, il faut maintenir un emploi de qualité à Zaventem. La reprise de Brussels Airlines par Lufthansa s'accompagne d'un triple enjeu, précise le syndicat socialiste. Le maintien de la totalité de l'emploi au sein de Brussels Airlines à Zaventem, la garantie du maintien des conditions de travail et de rémunération. Et enfin, précise encore le CETCA, le maintien de Zaventem comme hub pour Brussels Airlines au sein de la Lufthansa. Une audition très attendue cet après-midi au procès de Bernard Westphal aux assises du Hainaut. L'ancien député wallon est accusé du meurtre de son épouse le 31 octobre 2013. Et c'est l'amant de Véronique Piroton qui doit être entendu. Un personnage dont le rôle parfois trouble est très différemment perçu par l'accusation et par la défense. Un témoignage qui suscite en tout cas l'intérêt de très nombreuses personnes se sont présentées à l'entrée de la cour d'assises de Mons pour la reprise cet après-midi. Les deux salles d'audience sont combles. Ce matin, en comité de concertation, les gouvernements fédéraux, des régions et des communautés se sont mis d'accord pour travailler ensemble sur un plan national d'investissement. Il couvre la période 2017-2030. Mais à peine le principe de celui-ci adopté, une polémique s'est faite jour. Elle concerne les matières qui seront concernées. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy De Motte, s'est étonné de la communication qui a été faite par les services du Premier ministre, qui semble-t-il ignorait les demandes formulées ce matin par les francophones. Écoutez les explications de Rudy De Motte. Je me suis rendu compte que dans le contenu, on mettait en exergue trois matières, qui sont trois matières relatives à la mobilité, à la question du numérique, à la question de l'énergie, qui étaient les matières qui avaient été déposées par la Flandre. J'avais effectivement réagi en disant que je trouve légitime que chacun avance les matières d'intérêt en matière d'investissement, mais j'avais ajouté à ça que il me semblait que dans le cadre de la relance européenne, les questions d'enseignement et de recherche devaient avoir leur place dans le plan. Je ne les retrouve pas. Le Premier ministre dit que cette liste n'est pas définitive, que la discussion est toujours ouverte. Alors ça, c'est exact. Donc, je suis très heureux de l'entendre, comme d'ailleurs ça a été dit en comité de concertation ce matin, mais la communication qui en est sortie orientait déjà aujourd'hui vers trois thématiques qui semblaient faire consensus, celle de la Flandre, et en oubliait deux autres qui sont précisément celles que les francophones, enseignement et recherche, défendaient. Rudy De Motte, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, interrogé par Pierre Magos. Des dizaines de milliers de personnes attendues demain dans les rues de Bruxelles, l'appel du Front commun syndical. C'est la quatrième manifestation nationale interprofessionnelle depuis la mise en place du gouvernement de Charles Michel il y a près de deux ans. Les manifestants entendent notamment dénoncer la réforme du temps de travail portée par le ministre fédéral de l'Emploi, Chris Peeters. Plusieurs services seront perturbés ou fermés, notamment dans l'enseignement ou les administrations, la STIB et les TEC, les services en commun, seront également perturbés. De son côté, la SNCB affirme que les trains circuleront normalement. Et parmi les manifestants, il y aura une importante délégation. Plusieurs centaines de travailleurs de l'entreprise Caterpillar à Gosselies seront présents. Au début du mois, le groupe américain a décidé de fermer le site qui compte quelques 2000 travailleurs. Pour l'équipe internationale de policiers, de magistrats et d'experts qui enquêtent depuis deux ans sur le crash du vol MH17, c'est un lanceur venu de Russie qui a tiré le missile Buk le 17 juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine. Missile qui a fait exploser en vol l'avion de la Malaysia Airlines et qui a provoqué la mort de ses 298 passagers et membres d'équipage. C'est donc un élément neuf, même si, Françoise Nys, on ne connaît pas encore les coupables. L'an passé, l'enquête technique avait identifié le missile Buk. Cette fois, l'enquête pénale est parvenue à retracer la provenance du lanceur. Il était acheminé sur un camion venu de Russie. Il a été déchargé, puis s'est installé dans un champ, dans une zone alors contrôlée par les séparatistes pro-russes. Le lendemain, ce lanceur a été rapatrié en Russie. Alors, traces matérielles, photos, vidéos, témoins oculaires, enquêtes journalistiques ou de cybercitoyens, écoutes téléphoniques réalisées par les services secrets ukrainiens et vérifiées par les enquêteurs internationaux, en fait, c'est un immense matériel qui est scruté par 100 à 200 personnes depuis deux ans pour en tirer des indices fiables. Une centaine de suspects ont aussi été identifiés. Ils auraient collaboré d'une façon ou d'une autre à ce crime. Mais l'enquête n'est pas terminée. Aucun nom n'a été divulgué. Il est trop tôt pour lancer un procès. Et pour Kiev, l'enquête pénale montre à nouveau l'implication directe de la Russie. La Russie qui, elle, se dit déçue et dénonce un rapport biaisé et politiquement motivé. Quant aux séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, ils nient avoir tiré un missile Buk. En France, une ancienne candidate du Front National a été condamnée à 3000 euros d'amende avec sursis pour injures raciales. Elle avait comparé l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, à un singe. C'était en 2013. Le parquet avait requis deux mois de prison avec sursis. Bill Clinton se rendra vendredi aux obsèques de Shimon Peres à Jérusalem. L'ancien président américain qui supervisa la signature à Washington des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens a salué dans un communiqué un fervent avocat de la paix, de la réconciliation et d'un avenir dans lequel tous les enfants d'Abraham construiraient un meilleur lendemain. Les principaux dirigeants du monde, cela dit, ont salué la mémoire de l'ancien président israélien Shimon Peres. Chez les Palestiniens, le président de l'autorité, Mahmoud Abbas, a salué un partenaire courageux pour la paix. Mais un porte-parole du Hamas qui contrôle la bande de Gaza a affirmé que le peuple palestinien était heureux de la mort de ce criminel. Merci de nous être fidèles. Il est 17h et presque 9 minutes. Toute l'info est sur rtbf.be. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Merci d'être fidèle à la première, c'est évidemment toujours presque sérieux. Merci Diane, retour dans l'information avec Arnaud Reussen dans 21 minutes, 17h30, soir première. première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Ah, comme des petits médicaments, ils devraient être remboursés par la sécurité pas sociale. Trop, hein, ah, trop. Ils sont là pour vous faire plaisir et pour vous faire digérer un peu cette actualité parfois morose. Il y a Jean-Jacques Gespers autour de la table. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, bonjour. Vincent Flibichet est avec bonjour nous. Bonjour tout le monde. Raoul Reyers. Alors là, c'est bonjour, un médicament générique. Walid, alors là, Raoul Reyers, moi j'en prends un foison. Ça tous les jours. Ah écoutez, c'est ma petite vitamine. Ben vous ne saurez plus vous en passer. Ouais. C'est les médicaments, vous savez, comme quand on prend des pour le cholestérol. Non, vous êtes c'est une, la même chose. C'est une vitamine. Ma vitamine. Il y a autour de cette table David Watley en sirop. Et oui, en sirop, pourquoi pas. De lui, c'est, lui, j'ai peur parce qu'il va me dire en suppos. Pierre Charette qui est avec nous. Pierre, vous intéresserez à la FIFA et au racisme dans un instant. C'est au menu de ces presque sérieux. Une presque star à venir. On appellera et on l'a appelé d'ailleurs tout à l'heure le secrétariat de Théo Franken pour avoir des nouvelles concernant cette photo et ce gif que Théo Franken n'aurait pas dû partager justement. C'est une information que nous allons retitrer avec vous tout de suite. C'est presque sérieux. Sur la première. Eh oui, souvenez-vous, c'était lundi soir sur les réseaux sociaux. Et là, c'est bien parce qu'il aurait dû y avoir la musique de fait entrer l'accusé, vous savez, pour mettre un peu plus de tension. Tadam. Eh oui, le secrétaire d'État à l'Asie. Attendez, on va vous le faire, Allez-y. Tadam. Le secrétaire d'État à l'Asie. Non, arrêtez. A partagé effectivement sur les réseaux sociaux un gif parodique qui se moque de sa fermeté en matière d'immigration. C'est ce qu'on a remarqué. La polémique donc est née. Une polémique de plus à l'actif de Théo Franken. Savez-vous de qu'on dit gif en réalité? Parce que le fondateur du gif a un jour fait cette déclaration. À une assemblée de geeks. De geeks, hein. Non, de geeks. Un énorme murmure que l'a dit. Non, en fait, j'ai toujours voulu qu'on appelle ça un gif. Et on dit jougel aussi. Et donc, un gif que Théo Franken n'aurait pas dû partager. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information, Jean-Jacques Gespers? Théo Franken, c'est du deuxième degré, en fait, j'adore les nègres. Ah, merci, Jean-Jacques Gespers. On va demander à Raoul Reyers. Franken se lance dans l'animation humoristique flamande en odorama, car quand il rit, ça sent le lisier. Ah, ouais. Vincent Flibustier. Mais j'ai trouvé ce titre dans Raoul Reyers. Reyers Magazine, c'est un peu comme Pif Gadget mais avec un steak à chaque numéro. Théo Franken, c'est un cadeau. Oui, c'est ça. Théo Franken démissionne après un nouveau dérapage raciste. Blague. Hein. Ouais. David Watley. Théo Franken mérite de gros gifs. De gros gifs. Ah oui, c'est pas mal ça. Et enfin, Pierre Charette. Vous connaissez la particularité hein, des gifs ou gifs, c'est des petites images animées. Mmh. Donc, décidément, Théo Franken est vraiment binaire. Ah ouais, on a Gaston le gif hein, sur le Facebook de l'émission. Une bonne gif pour lui remettre les idées en place, c'est ce qu'on nous dit. Théo lui prend pas la tête. c'est ce qu'on nous dit. Il lui prend pas la tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il est tombé sur la tête, le Théo. Il a un sympa encore qu'on a reçu de je vais vous dire tout de suite parce que je suis en train de le regarder. Il y a pas des gifs et des gaffes en, comme ça en direct live, bien entendu. Le racisme et Théo Franken, c'est gif. C'est pas mal, pas mal aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est Ron Le Sage qui dit quand le gif rebiff, la gaffe mérite des baffes. Voilà, c'est effectivement ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Effectivement. Et tiens, justement, si nous appelions le secrétariat de Monsieur Théo Franken pour en savoir plus. Et si c'était moi en fait sur la photo, hein? Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle présentement concernant la photo de monsieur Franken. Oui. C'est-à-dire qu'il a utilisé ma photo pour l'animation. Oui, et c'est. Oui, attends, je vais passer mon collègue. Hein. C'est gentil, merci. Parle un peu de français. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle présentement concernant la photo de monsieur Franken. C'est concerne le vidéo d'hier? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Ah, c'est vous qui êtes sur la photo? Oui. Et que souhaitez-vous, monsieur? Ah, des excuses de monsieur Franken de sa bouche tout de suite, pour éviter tout problème. Ok, monsieur. Ok, on va lui dire. Parce que c'est pas normal, il a utilisé mon visage et tout le monde se moque de moi aujourd'hui. C'est vrai, monsieur. Je sais pas, j'ai vu la vidéo, mais... Et vous trouvez ça drôle? C'était comique, mais bon, j'ai pas fait attention à la photo. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle, madame. Vous imaginez, j'utilise votre photo? Oui, c'est vrai, mais on n'a pas fait attention à la personne. Ah, madame, c'est... Ouais, mais c'est pas normal, ça. Si j'utilise votre photo sur quelqu'un, une femme toute nue, par exemple, vous allez pas rigoler comme ça? Non, pas du tout. Alors, il faut pas rigoler comme ça, madame. Pourquoi c'est le film, c'est le... Ah, vous rigolez, madame. Vous vous moquez, vous aussi, de moi? Non, pas du tout. Si, madame, vous rigolez. Non, moi, je rigole avec mon collègue sur autre chose, et donc voilà. C'est quoi? Je n'ai pas que ça entre nous deux. Ah, vous rigolez sur moi. Vous rigolez sur moi, madame. Mais monsieur, ne soyez pas frustrant, quand même. Ah, vous m'avez frustré, madame. Non, monsieur. Je rigole avec mon collègue, donc vous n'avez... C'est pas votre affaire, voilà. Vous avez dit vous-même que vous avez rigolé sur la vidéo de monsieur Franquin. Monsieur, que fait-on? Ah, que fait-on? Bonne question. Monsieur, on nous appelle, s'il vous plaît, donc décidez-vous. Attendez, je vais appeler un ami. Ok, vous allez appeler un ami? Oh, je vais faire 50-50, je sais pas encore. Ok, ça va, vous allez appeler après alors. Ou alors je vais appeler le public. Oui, c'est comme vous voulez, hein. Donc moi... Oui. Ouais. Qu'est-ce que... Oui, décidez-vous parce qu'il y a des gens qui appellent. Hein. Alors attendez, ça vient. Allô? Oui, j'ai attendu, je réfléchis. Mais monsieur, appelez-nous après, donc si vous réfléchissez à votre aise, et que vous pouvez nous appeler, on est là. On est là jusqu'à 18h. Attention, j'ai trouvé, je crois. Je vais mettre fin à la communication parce qu'on m'appelle. Ça va? Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Bon, c'est-à-dire que... Il n'y a pas vraiment d'excuses, en fait. Il rit, et pour eux, c'est drôle. C'est ce que j'ai retenu, en tout cas. Pour nous aussi, au final. Bah, pour eux, c'est drôle, mais ça ne fait pas rire tout le monde, c'est clair. Hein, Raoul? Effectivement. Ouais. Voilà. Merci, Raoul. Bon, si on accueillait... Mais ça ne fait pas rire tout le monde. Si on accueillait notre presque star. Imaginons qu'on nous téléphone... Ah non, mais moi, j'ai l'oreille. J'ai l'oreille, vous savez. Oh là là. Ouais. Bon, j'ai été bercé, moi. Les blagues. Ah, bah écoutez. Je suis né dedans, monsieur. Si on accueillait... Il y avait trois accents. Si on accueillait... Oui, c'est... En fait, c'est vous avez démarré sur un accent un peu russe. Oui, puis je suis descendu. J'ai perdu mon accent. Oui, et là, personne n'a rien remarqué. C'est... Encore un petit peu attendre pour le spectacle, là, l'invitation. Mais je m'entraîne. En attendant, Geronimo est avec nous. Bonjour, Geronimo. Bonjour. C'est bien, Geronimo. Le Michel Lepchaud. Walid ne se moque pas de vous. Non. Geronimo, vous avez un petit accent hispanique, c'est bien cela? Oui, c'est l'accent toulousain. Ah, toulousain. Toulousain? Non. Non, c'est pas vrai. Je suis chilien. Ah, vous êtes chilien. Mais j'habite à Toulouse. Vous habitez à Toulouse et on parle de vous dans la presse pour une certaine raison. On va le découvrir dans un instant. Vous avez 1 minute 30 exactement autour de la table pour me poser des questions. Je ne répondrai à vos questions que par oui ou par non. C'est parti. Il fait du chili con carne à la saucisse de Toulouse. Non, il a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. On va en parler d'ailleurs dans la suite, je vous le dis tout de suite. C'est sportif? C'est sportif, oui. Il combat le racisme dans le sport? Alors, il combat le racisme. Ça traite un peu de votre sujet, Pierre Charette. Il y a un rapport avec la ville de Toulouse ou pas du tout? Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a un rapport avec Cap 48? Non, pas avec du tout. Marc Denis? Non. Donc ça se passe en France? Ça se passe en France, mais en tout cas, Pierre va nous en parler dans un instant. Le football. De FIFA. De FIFA, oui. Alors, où se trouve le siège de la FIFA? Ah, en Suisse. En Suisse. Donc, qu'est-ce que notre ami a fait? Il est allé frapper des ballons sur le siège de la FIFA. Non. Il est allé faire une opération antiraciste. Non. Il a fait mieux que ça, monsieur. Il a ramené deux opérations antiracistes. Non. Il a fait quelque chose de particulier. Il a racheté la FIFA. Notre ami Geronimo. Il a piégé quelqu'un? Non, il a piégé personne. C'est pas lui qui a piégé l'entraîneur. Non. Il a fait un film sur la FIFA. Je donne un autre indice. Il est parti du Chili jusqu'à la FIFA. Un indice, vélo. Il est allé du Chili en vélo jusqu'à Genève. Pas tout à fait. Mais comment il vole au-dessus de l'océan? Il est allé de Toulouse à Genève en vélo. À vélo. Pourquoi? Pour frapper Sepp Blatter. Non, parce qu'il voulait d'abord aller à l'UCI, puis s'est rendu compte que c'était plus simple. Parce qu'il aime bien le sport. Pour chercher du travail. Du travail, bien joué Raoul Reyers. Effectivement, il a fait 1200 km à vélo pour donner sa lettre de motivation à la FIFA. Et on en parle en France, histoire de marquer le coup. C'est ce que vous avez voulu faire. En tout cas, Geronimo, vous avez 33 ans, vous êtes originaire du Chili. Et en portant donc en main propre cette lettre de motivation en Suisse à la FIFA, on parle de vous dans la presse. C'est bien cela ? Oui, ça c'est vrai. Alors, dans quel domaine vous avez postulé à la FIFA et qu'est-ce qui vous a poussé à y aller à vélo ? Dites-nous tout. Oui, c'est parce que j'ai essayé d'ouvrir la porte de ces organisations pour les façons traditionnelles, c'est les façons online. Oui, c'est-à-dire que vous avez essayé d'envoyer votre candidature par mail. Oui, voilà. Oui. Ça marche pas. Sans succès. J'ai pensé que c'est pour que j'ai manqué l'expérience internationale sur le football. Oui. Donc, j'ai quitté mon pays, j'ai travaillé à l'Australie, et après en Espagne, et après ici en France pour les Coupes d'Europe. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai pensé de faire une chose. Pour vous faire remarquer. Qui permettrait de vous faire remarquer. Et du coup, vous avez été déposer votre candidature et votre lettre de motivation à la FIFA. La question, forcément, derrière, c'est est-ce que vous avez une réponse positive ? Est-ce que, du coup, on vous a engagé grâce à cette initiative ou pas du tout ? Quelqu'un vient en vélo en retour. Non. Je n'ai pas reçu une réponse de la FIFA ou de la UEFA. J'ai seulement une réponse du Comité Olympique. Pour faire une interview en Skype en octobre. Juste ça, c'est-à-dire qu'ils vous invitent à faire un Skype, mais on ne vous offre pas un emploi. Quoi. C'est-à-dire que vous faites 1200 km aller, vous avez fait ces 1200 km retour aussi ou pas ? Non. J'ai fait seulement. J'ai retour. Mais il ne faut pas vous étonner. Hein. Ah oui, il est reparti en train. Oui, franchement. C'est ça. Mais en tout cas, vous étiez notre presque star du jour, Geronimo. Il a fait 1200 km à vélo pour donner sa lettre de motivation à la FIFA. Et pas seulement à la FIFA, apparemment, aussi au Comité Olympique International. Le Comité Olympique International lui a répondu. Il fera d'ailleurs un Skype dans les prochaines semaines. En tout cas, vous étiez notre presque star du jour. On voulait vous mettre en avant. Et puis, vous nous tenez au courant quand la FIFA vous rappelle ? J'espère que j'attends que la FIFA me contacte, mais pour ça je suis très content que je puisse parler avec vous et avec les différents médias. J'appelle les dirigeants de la FIFA qui nous écoutent à vous rappeler incessamment. Bien sûr. Attendez, 1200. Vous savez quoi, je vais les appeler vendredi. Vous allez voir. Ça vous dérange pas si je prends si je prends un vélo pour le faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on le fera. J'appellerai la FIFA et c'est vrai que quand on fait 1200 km, le minimum c'est d'avoir une réponse. Vous allez vraiment l'appeler avec un accent. Vous appelez Bison Futé. Je vais appeler pour leur dire que j'ai remis un CV et que je n'ai toujours pas de réponse. Juste choper une numéro de SN de. En tout cas, on mettra toutes les infos vous concernant, mon cher Geronimo, sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première, lapremière.be. Merci à vous d'avoir réalisé cette expérience, en tout cas assez originale et qui fait parler d'elle. On se tient au courant ? On se tient au courant, donc. Je ne comprends pas. Ah oui, on se tient au courant, ça veut dire on reste en contact ? Keep in touch. Ah, d'accord. Ok, parfait, on reste en contact. Merci beaucoup pour l'opportunité de parler avec Mais vous. Avec plaisir, en tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir eu au téléphone, Geronimo. Et nous, dans la suite, on va justement parler de la FIFA. La FIFA et le racisme, c'est au menu de la suite et fin de C'est Presque Sérieux avec Pierre Charette. C'est Presque Sérieux sur la première. Hein? Quelque chose que j'ai pas compris ? Pourquoi il rigole ? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalets pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. La première présente... Les villes et communes de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut et les opérateurs publics vous invitent à la troisième édition du Forum Immobilier, ces 20 et 21 octobre, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. À découvrir les projets en cours et à venir dans la région et les possibilités d'investissement dans tous les secteurs de l'immobilier. Plus d'infos sur forum-immobilier.be. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. La première. Mobile Info. À 17h presque 25 minutes, que se passe-t-il sur nos routes? La réponse tout de suite avec Anne-Michel Vlouberg. Eh bien, toujours les suites de l'accident sur le 42 Baptiste Prume, à hauteur de Bellevaux en direction de Prume. Et puis attention à cet objet encombrant sur le 42 Liège-Mons, à hauteur de la Louvière. On nous signale un morceau de bois, un gros morceau de bois. La voie de droite est partiellement entravée en direction de Mons. Sur la route, signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. Une croisière en mer ou un circuit en Amérique? Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à ce dimanche pour profiter de jusqu'à 500€ de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. J'ai une question d'ordre diplomatique. Vas-y. Si j'ai un pote qui pue vraiment, mais qu'il est noir. Je veux dire, moi, je suis pas raciste, je m'en bats les couilles, je connais plein de noirs qui sentent bon, je connais des noirs qui sentent juste normal, tu vois. Mais lui, il est noir et il pue. Est-ce que je peux lui dire? Ah ouais. Ouais. La FIFA a décidé de dissoudre en tout cas sa commission anti-racisme, estimant que son travail était terminé. À croire la FIFA, donc, le racisme a disparu des terrains de football, Pierre Charette. Mais oui, Walid. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que je suis un peu étonné du ton un peu circonspect que vous employez, parce que c'est évident qu'il n'y a plus de racisme dans le football. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de racisme dans le football, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Sepp Blatter qui l'a affirmé déjà en 2011. Et je ne vois pas qui vous seriez, Walid, pour mettre en doute la parole de Sepp Blatter, qui, je vous le rappelle, est suisse. Et donc, en bon suisse, et ne voyez pas de racisme ordinaire là-dedans, est neutre, donc objectif. Il n'y a jamais eu de racisme dans le football. L'avantage du joueur, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. C'est un joueur qui est prêt au combat, généralement, qui est toujours un peu qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc, il faut de tout. Il faut des Nordiques aussi. C'est bien les Nordiques. Ouais, c'est bien les Nordiques, comme le disait Willy Sagnol en 2012. Mais je vous vois tiquer, Walid, mais non, je suis désolé, attribuer aux Blacks des qualités de puissance ou de physique et aux joueurs blancs des qualités de technique ou d'intelligence de jeu, ce n'est pas du racisme. D'ailleurs, concernant ce cliché de l'intelligence de jeu du joueur blanc, on connaît tous un contre-argument antiraciste imparable. Jonathan Lejarre. Oui. Non, franchement, de nos jours, on ne peut plus rien dire. D'ailleurs, à l'époque, pour défendre Willy Sagnol, Michel Sardou lui-même ne disait pas autre chose. On ne peut plus dire ceci, on ne peut plus dire cela. Il y a un mec, quel est ce pauvre mec, je ne me rappelle plus, qui a dit « Les Blacks courent plus vite que les Blancs ». Mais putain, c'est vrai, il n'y a rien de raciste là-dedans. Ils sont plus musclés, ils sont plus costauds, ils nous le mettent. Gold, il n'est pas alsacien. Je suis pas raciste quand je dis ça. Mais non, franchement, Michel Sardou, raciste, ça se saurait. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de racisme. Il n'y a que des Noirs susceptibles. La preuve, il crie au racisme quand les supporters adverses leur jettent des bananes. Mais ce n'est pas du racisme. Au contraire, c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie. Ces Noirs-là savent-ils seulement à quel point la banane est riche en potassium et en magnésium? Mais oui, s'ils leur jettent des bananes, c'est pour leur éviter des crampes. Le racisme n'existe pas sur les terrains de football. Ce que vous croyez pas, Jean-Michel, honnêtement, que dans un monde grand comme il est, il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde. Ah ouais. Voilà, on est tunisien maintenant. Mais non, le football non plus n'a pas de problème avec tout ce qui est tunisien, maghrébin, sarrasin et arabe. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que le football est sans doute le seul domaine de la société où on accuse l'arbitre d'être un voleur alors qu'il n'est bien souvent même pas arabe. Il n'y a pas de racisme en football. Mais d'autant que il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Surtout habillé en footballeur. Ils font tous à peu près 1m70, 1m75. Ils sont tous bruns, sauf le gardien. Mais enfin, ça aide pas trop. Non, mais attendez, c'était les Coréens maintenant. C'était Thierry Roland. Ouais, mais ce n'est pas du racisme, franchement. Le monde du football n'a aucun problème avec les Asiatiques. Le monde du football adore les Chinois, d'ailleurs. La preuve, c'est à leurs enfants qu'on confie la confection des ballons. Non, franchement, monsieur Wahabi, dire qu'il y a du racisme dans le football, ce serait comme dire que, je ne sais pas, moi, Stéphane Poel, ça a des problèmes de syntaxe, ou que Olivier Descac n'est pas tout blanc. Ah, merci. Est-ce qu'on n'a pas arrêté la commission parce que Thierry Roland est mort? On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, merci Pierre Charette, une émission à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Merci à vous Pierre, merci David Watley. Mais avec plaisir. Merci Jean-Jacques Gespers. Merci Vincent Flibustier. Merci Raoul Reyer. Merci et Walid. Nous serons de retour demain, même endroit, même heure, 16h-17h30 pour relater l'actualité autrement. Presque sérieusement. Et sérieusement, tout de suite, rendez-vous avec Arnaud Roessen pour Soir Première. Portez-vous bien. À demain, 16h. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Écoutez ça ! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, profitez d'une offre savoureuse. Les filets de poulet origine Belgique sont à moins 50%, soit seulement 5,24€ le kilo. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaires en magasin. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 190€.